Du 10 au 17 août a eu lieu le 5e concours national de Badu pour enfants au palais sacré de Taekwondo à Pyongyang. Plus de 200 joueurs sélectionnés de tout le pays y ont participé. Les matchs se sont déroulés divisés en deux groupes. Au groupe A ont pris part les élèves de la première et deuxième année des écoles primaires et au groupe B, les enfants des écoles maternelles pour les jeux individuels et par groupe masculin et féminin. On a primé les meilleurs joueurs et groupes.